Leur voix murmure souvent des mots d'amour. Leur charme irrésistible fait monter une fièvre en moi. Pourquoi, dites-le-moi, belle Antillaise. Est-ce votre charme ou votre sourire qui m'envahit? Je ne sais pas si c'est mon cœur qui répond lui-même à vos désirs. Mais moi, je vous aime, belle Antillaise. Leur charme irrésistible faisant monter une fièvre en moi.